Tout le monde va bien ? Merci pour la prochaine, ici je peux faire votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Nous recevons ce soir un harmoniciste chanteur qui nous vient d'Italie, où il a représenté son pays à l'International Blues Challenge de Memphis et récemment à l'European Blues Challenge. En effet, Cédric, il est en quelque sorte l'ambassadeur du Chicago Blues en Italie. En tout cas, on le décrit souvent comme ça et tourne depuis plus de 20 ans sur les plus grandes scènes européennes et américaines. En tournée française, en ce moment, il a tenu à s'arrêter au Blues Café. Vous en avez de la chance tout de même. Et on vous demande d'applaudir Marco Pandolfi au chant, à la guitare et à l'harmonica. Il est accompagné de Massimo Bonotto à la basse et de Federico Patamello à la batterie. Marco Pandolfi. Hot water, baby. hot water everywhere. My mind is drifting, I feel I'm sailing, you don't care. So they tell me I did. They tell me you did. I know you had a wonderful time last night, so I couldn't hardly get better. I got a big fat mama and a skinny mama too, but I don't tell my big mama what skinny mama can do. I know I had a wonderful time last night, at least they tell me I did. Thank you. time last night. Obviously tell me I did. I know I had a wonderful time last night, so I couldn't hardly commit it. I got a big fat mama and a skinny mama too, but I don't tell my big mama what skinny mama can do. I know I had a wonderful time last night, obviously they tell me I did. Il est ce soir notre invité dans le Blues Café Live, Marco Pandolfi. Il nous vient d'Italie avec son trio et on est très heureux de le recevoir. Il va nous rejoindre ici et on va lui poser pas mal de questions comme à l'habitude. Absolument. Puis pour ce faire, nous avons à côté de nous Christian qui va jouer l'interprète. Marco Pandolfi, donc, on a dit tout à l'heure que tu étais l'ambassadeur du Chicago Blues. Mais comment justement es-tu venu au Chicago Blues ? Ma mi sono appassionato al in realtà il primo blues che il primo tipo di blues che ho conosciuto è stato proprio Chicago Blues. Il mio primo, uno dei miei primi dischi è stato un vecchissimo disco di Muddy Waters che suonava appunto i pezzi di Big Bill Bronson, quindi di un altro bluesman, però era un pezzo di Muddy Waters già con James Cotton all'armonica e quindi già con dei musicisti importantissimi della scena del Chicago Blues. Oui, donc il dit qu'un de ses premiers disques c'était Muddy Waters qui reprenait du Big Bill Bronson avec déjà à l'harmonica James Cotton. On le voit sur scène, tu joues à la fois de l'harmonica et de la guitare. J'ai envie de te demander déjà par quel instrument justement tu as commencé et lequel tu as appris en premier, et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton harmonica qui est un harmonica beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude de voir dans le blues en général. Donc, suoni l'armonica e la chitarra, con quale hai iniziato? E puoi parlare un po' della tua armonica, quello lungo strumento? Ho iniziato col pianoforte, in realtà. Avec le piano. Però no, poi in realtà ho iniziato prima con la chitarra rispetto all'armonica. Prima la chitarra, però non suonavo blues, facevo più musica folk americana. Ho iniziato a suonare blues con l'armonica perché ho sentito un concerto dal vivo e ho visto un armonicista che suonava l'armonica dal vivo. Ed è diverso quando si ascolta un disco dell'armonica, sì, bello. Ma secondo me quando vedi un armonicista che suona sul palco fa un effetto diverso. Oui, il a commencé donc par le piano. Ensuite, c'est la guitare. Et puis, il est tombé amoureux de l'harmonica grâce à un concert où il a vu en live l'effet que ça pouvait faire. Parce qu'il voilà, il dit qu'en live, c'est toujours différent de ce qu'on entend sur un disque. Et c'est ce qui lui a vraiment donné envie de jouer de l'harmonica et de se mettre à ce moment-là à jouer du blues, d'ailleurs. Parce qu'au piano et à la guitare, il ne jouait pas encore du blues. Alors, ce qui est incroyable chez Marco Pandolfi, c'est le nombre de musiciens et de talents avec qui il a joué, tant aux États-Unis d'ailleurs qu'en Europe. Et j'aurais bien aimé savoir quels sont ceux justement qui l'avaient le plus marqué. È incredibile quanti musicisti hai suonato. È un elenco del blues quando guardiamo tutti questi musicisti. Quali ti hanno veramente colpiti? Ma è sicuramente uno tra tutti, se devo fare un nome, devo fare il nome di Paul Osher. Paul Osher era un armonicista di Muddy Waters. Paul Osher, io già conoscevo i suoi dischi e ho avuto l'occasione di incontrarlo a Memphis e poi ho avuto l'occasione di suonare insieme negli Stati Uniti ma anche in Italia. E lui per me era già un modello prima. Quindi alla fine ho avuto la fortuna di suonare con uno dei miei miti. Voilà, il dit que si devait garder un seul nom, ce serait celui de l'harmoniciste de Muddy Waters, Paul Osher, avec qui il a eu la joie de jouer aussi bien aux États-Unis qu'en Italie. et qu'il est pour lui vraiment une référence ultime. Alors il y a une autre référence, puisqu'il y a un grand monsieur qui te soutient aussi, qui ne jure que par toi, même Bob Corritore, que tu as rencontré, tu ne peux pas le nier, puisqu'on a même une photo avec Bob Corritore et le fondateur de Delta Groove, un label californien très connu. Il s'appelle Randy Shortkoff. Comment tu les as rencontrés? Comment tu as rencontré en particulier Bob Corritore, qui est lui aussi un très grand harmoniciste? Li ho conosciuti tutti e due, Bob Corritore e Randy Shortkoff, in Calabria, in sud dell'Italia, a un festival. E poi siamo diventati amici, poi Bob Corritore mi ha invitato a suonare a... Lui ha un locale, un club, music club in Phoenix. E Randy Shortkoff invece mi ha invitato a suonare in California per lui a un festival che organizzava. Sono due grandi amici, purtroppo Randy ci ha lasciato qualche anno fa, però sono state due persone che mi hanno aiutato tanto. Voilà, sono due persone très chères che tu as citées. Il les a rencontrés en Calabre. Donc dans le sud de l'Italie, et se sont devenus de très très grands amis, à tel point qu'il a été invité en Arizona à Phoenix chez Bob Corritore pour jouer, et puis également par Randy Shortkoff, notamment pour un festival... Marco Fiume, Marco era un carissimo amico. Voilà, donc ce sont des personnes qui nous ont quittés, comme Randy Shortkoff qui est mort il y a quelques années. C'était des amis très chers, tous les deux, des amis très chers de Marco. Alors, puisqu'on parle, une dernière question avant de faire retourner sur la scène du Blues Café, justement, puisqu'on parle de gens avec qui il a joué, mais il y a aussi un Français. Et un Français qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, dans le Blues Café, puisqu'il a joué, et c'est en avril 2017, avec Nico Duportal. Qu'on avait eu avec Benoît Blueboy. Qu'on avait eu ici avec Benoît Blueboy. Nico Duportal, qui est plutôt d'ailleurs ancré dans le blues des années 40, le swing même. Donc, pas tout à fait le même style. Je ne sais pas comment s'est passée cette rencontre et pourquoi ils ont tourné ensemble. Hai capito? Come hai incontrato Nico Duportal? E come mai che avete avuto voglia di fare questo tour insieme? Perché lui suona musica jazz swing dagli anni 40, dunque come mai è venuta questa idea del tour? Ho conosciuto Nico tanti anni fa a Parigi, in un locale che si chiamava Art Plus Café. Abbiamo suonato insieme a Parigi tanti anni fa, non mi ricordo, 15-20 anni fa forse. Però ci stimiamo a vicenda. E io sono un appassionato della musica che suona lui è un grande appassionato di blues. E quindi, poi io sono molto amico anche di Abdel Biba, quindi abbiamo deciso di fare un tour insieme in Italia, e anche con Federico Paternello, il batterista che c'è qui stasera. Speriamo di fare ancora qualcosa insieme, perché siamo degli amici che hanno la stessa passione, e quindi la cosa ideale è suonare insieme. Là, il nous parle de sa rencontre à Paris avec Nico Duportal. Et donc, c'était il y a 15-20 ans. Voilà, Nico Duportal est quelqu'un qui l'estime. Ils ont une estime réciproque très forte. Et donc, ils ont eu cette idée très naturellement de faire une tournée ensemble, avec Abdel Bibop qui était venu également ici. Hein. Cette tournée, c'était justement avec Federico Patamello, qui joue ce soir à la batterie. Il est lui-même très fan de ce jazz swing des années 40, comme Nico Duportal est très fan de blues, donc il s'entend à merveille et il pense tout à fait rejouer ensemble. On retrouvera Marco Pandolfi, merci beaucoup, dans quelques instants ici. On n'a pas fini de le cuisiner. On fait une petite pause musicale avant que tu retrouves la scène. On va écouter quelqu'un qu'on avait eu le plaisir de voir à plusieurs reprises au Blues Rules Festival. C'est monsieur Leo Bud Welch, un assez vieux monsieur qui est décédé en 2017. Il avait 85 ans. L'histoire de ce monsieur est assez exceptionnelle, puisque je crois qu'il a fait sa première tournée européenne, il avait plus de 80 ans, et il a enregistré son premier album, il avait plus de 80 ans. Cet homme-là a passé sa vie à jouer de la musique pour un public très restreint. Il a réussi, sur la fin de sa vie, à avoir la reconnaissance. La reconnaissance, pour le coup, est posthume, puisque son nouvel album sort maintenant et il est produit par Dan Auerbach des Black Keys. Le titre s'appelle « I Come to Praise His Name ». I don't know what you come to do. Nous sommes ici en direct au Millennium de l'île d'Abo pour le Blues Café Live. El Blues Ristretto, comme le disait tout à l'heure Christian, ce soir pour cette émission spéciale italienne, avec sur la scène du Blues Café en live Marco Pandolfi. I was younger than your fear, older than your car, faster than your eyes in the mirror at the bar. I'm no longer thirsty, you know what I mean. You're a clear river, but your water's not clean. Jump over your shadow. You need glasses to see my bloodline. Moving my page to read the six as nine. And once you were a cheater, you didn't learn to lose. You gotta keep on hiding, then you cannot choose. Jump over, over your shadow. Jump over, over your shadow. Not really your squire, if you think that you're liar. Maybe twist a lemon peel very close to the fire. Now you say a potion, dealing with a hoodoo, but you never had the charisma, your guru. Jump over, over your shadow. Jump over, over your shadow. Younger than your fear, older than your car, faster than your eyes in the mirror at the bar. I'm a traveling man and a tiny meter shy. Whether with my friends, and no one skips the line. You can find me on your path, every once in a while. Sounds like it's too late, I won't make it home. Someone to my place, moving on. My thought of freezing, no one skips the line. You can find me on your back every once in a while. I'm a precious stone, the only diamond on my own mind. Stuck in the ground with my friends and no one skips the line. You can buy me on your lucky day as a bottle of red wine. Sounds like it's too late, I won't make it on. Someone to my place, I'm moving on. My thoughts are freezing, no one skips the line. You can find me on your path every once in a while. precious stone, the only diamond on my own mind. Stuck in the ground with my friends, and no one skips the line. You can buy me on your lucky day, like a bottle of red wine. Sounds like it's too late, I won't make it all. Someone took my place, I'm moving on. My thoughts are freezing, no one skips the line. You can find me on your path, every once in a while. Marco Pandolfi, trio. Merci beaucoup. En live ici au Blues Café. On le retrouvera dans quelques instants ici pour parler de, notamment de ses projets et de son dernier album. Mais Francis, avant, on parle d'un festival bien connu dans la région, peut-être d'ailleurs le plus vieux festival de blues de la région. Je crois bien qu'il y a deux plus anciens festivals en France. C'est le Salès Blues Festival et puis Cahors Blues Festival. Alors Cahors a 37 ans, je ne sais pas pour Salès. Salès, je crois qu'on va peut-être atteindre les 30 ans. Il me semble. Alors, donc voilà. Pas sous alors, la forme festival, mais j'ai oublié soirée. De donner ton nom quand même. Tu t'appelles Philippe Briot et tu es le directeur, président, directeur général. Tout à fait. Du TEC, qui est une structure culturelle qui gère toutes les activités dites culturelles, justement, et dites, mais réellement culturelles, dont le Salès Blues Festival. Est-ce que j'ai bien expliqué ? Tout à fait. Voilà, je ne suis pas le président. J'aimerais un jour être président, mais bon, la place est prise, donc je ne peux directeur. Être que le directeur. Voilà, donc Travail et Culture a été mis en place il y a très très longtemps et changement de statut, etc. Donc on est porté par des communes et nous sommes en intercommunalité et on gère une programmation artistique, spectacle vivant, de manière vraiment très large, danse, théâtre, etc. etc. voilà. Dont le Festival Blues de Salès-sur-Sanne. Depuis 4-5 ans, nous avons la responsabilité du plateau artistique. Alors, le festival s'est étoffé. Hein. C'était essentiellement deux soirées dans la salle qui s'appelle Bouvier. Le Foyer Bouvier. Maintenant, il y a toute une partie de Festival Off qu'on ne va pas forcément détailler. Vous avez des stages, il y a des expos, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et deux grosses soirées qui ont lieu le 5 et le 6 avril vendredi au foyer. Vendredi et samedi. Laurent Bouvier, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la programmation ? On va commencer par le vendredi 5 avril avec des noms qu'on connaît bien, ouais. Notamment un qui est venu souvent ici. Louis Mezzasola. Voilà, tout à fait. Qui a fait l'année dernière l'ouverture du festival dans le cadre de différents partenariats avec des lieux, des scènes de blues locales comme le Hall Blues Club à Pélussin, voilà, différents lieux. Donc il fait l'ouverture de la soirée du vendredi soir avec son nouvel album qui est sorti à l'automne dernier, son deuxième album. Il y aura un Anglais, Alex excellent Hans, guitariste. Voilà, tout à fait, qui avait démarré dans le folk blues anglais et qui est venu, on va dire, qui vient avec une formation un peu plus électrique. Et on va terminer la soirée du vendredi avec un monstre, Bobby Rush. Bobby Rush, un des derniers peut-être, des vieux bluesmen. Oui, américains. Je crois qu'il a 83 ans, 370 albums, j'ai vérifié, 370 albums, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, 66 ans de carrière et c'est, oui, une des dernières grandes figures du blues. En plus, ça a l'air d'être un personnage assez coquin, c'est oui, son là. Âge. Alors, je ne sais pas s'il vient avec ses danseuses. Je vous laisserai la surprise de découvrir ce soir-là ses danseuses. Ah, il vient pour dans le cadre d'une tournée européenne. Par contre, trois dates en France, dont celle de Salès. Et bon, je fais un petit clin d'œil à un ami du blues, Jacques, qui va ouvrir le lendemain, inaugurer son lieu, le musée du blues. À la Châtre. Voilà, avec Bobby Rush, justement. C'est dans le cadre de cette... Qui est le parrain de ce musée du blues, d'ailleurs. Tout à fait, oui. C'est lui qui l'a fondé. Le lendemain, le 6 avril... D'autres grandes légendes du blues, plutôt français cette fois-ci. Oui, ouais, y a quand même un Américain. Oui, il y en a. Il y a quand même un Américain. Il y a bon, déjà l'ouverture de la soirée avec les stages guitare et voix niveau 2, avec, encadré par les frères Alain et Gérard Védèche, ouais. Que vous connaissez. Ensuite, un projet, alors c'est un contre-pied par rapport à la programmation habituelle du Festival Blues de Salès. C'est un projet qui s'appelle Cross Border Blues. Bon, les gens ne connaissent connaissent pas le nom, parce que Cross Border Blues, mais par contre, les artistes, les gens connaissent, puisqu'il y a Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal. Donc là, on est vraiment sur de l'acoustique, avec un croisement au niveau des styles, des genres, et d'autant plus avec Vincent Segal qui joue du violoncelle. Donc là, on est vraiment à un croisement très intéressant, c'est de l'acoustique, c'est un petit contre-pied, un grand contre-pied. Et en tête d'affiche, quelqu'un qui vient et qui célèbre ses 50 ans de carrière avec un bel album d'ailleurs. Oui, Bill Doerrem, 50 ans de carrière, son 20e album. Bon, il n'a pas 66 ans de carrière et 370 non. albums. Ni de danseuse. Ni de danseuse, oui. Mais bon, il vient pour ses 50 ans de carrière. Il était venu pour un anniversaire en 2013, l'anniversaire du festival. Et là, on l'a invité pour ses 50 ans de carrière. Avec la même formule ou... Oui, avec la même formule, oui. Ouais. Qui était excellente, hein. Vraiment, très, très bien. Salès Blues Festival, c'est donc du 22 mars au 6 avril. Et ça a lieu à Salès-sur-Sanne. C'est pas très loin de Vienne. Non, hein, c'est à 10 minutes, un quart d'heure en voiture sur le couloir rhodanien, très accessible. Il y a un site où les gens peuvent aller voir pour acheter leurs billets en prévente. Oui, c'est tout indiqué sur la plaquette. je réponds comme ça parce qu'en fait... À la radio, la plaquette, c'est difficile. Oui, Salès Blues Festival. Salès Blues Festival ou sur le site de Travail et Culture. Voilà, travailleculture.com. Merci beaucoup, Philippe. On enchaîne avec quelqu'un qui passera peut-être un jour au festival. C'est Björn Berge. Son album est vraiment très, très intéressant. Et le titre que l'on écoute s'appelle Lost Pearl. Yeah. Nous sommes de retour ici au Millennium de l'île d'Abo avec monsieur Marco Pandolfi. On l'avait laissé tout à l'heure sur effectivement quelques questions sur son parcours. Un parcours qui est assez intéressant, important. Tu as sorti beaucoup d'albums, il y en a au moins 7. Et il y en a 3 dont on va parler, parce qu'on ne va pas pouvoir parler des 7. On passerait bien volontiers la soirée avec toi. Ce n'est pas possible. Donc le premier est de 2017. Un album que tu as fait avec un certain Greg Isor. Qui est-il? Greg Isor est un bravissimo musiciste de Austin, in Texas. Siamo amici da qualche anno e ci stimiamo a vicenda anche con lui e da quando ci siamo conosciuti abbiamo sempre detto dobbiamo fare un disco insieme. Alla fine siamo riusciti a registrarlo a Austin in Texas nel febbraio 2017 e siamo contenti perché abbiamo fatto un disco in duo. Lui è un armonicista ma suona anche la chitarra, allora quando lui suona la chitarra io suono l'armonica e viceversa. E abbiamo fatto tutti i pezzi scritti da me e da lui, e quindi è un disco in duo. Però siamo contenti perché ha avuto un bel successo, quindi una bella collaborazione. Suoniamo sempre insieme anche in tour. Oui, donc Greg Isor est comme lui, guitariste et harmoniciste. Ils ont fait un vrai album en duo dans le sens où c'est un album uniquement composé de compositions originales, soit de lui, soit de Greg Isor. Et en fait, quand lui joue de la guitare, Greg Isor joue de l'harmonica, et inversement, quoi. Et donc, ça faisait très longtemps qu'ils avaient envie de faire un album ensemble. Donc, il est d'Austin, dans le Texas. Et cet album a eu beaucoup de succès, ce qui leur a fait, bien sûr, très plaisir. Alors d'ailleurs, c'est assez curieux, cet album, parce que le ton est réellement roots, hein, roots blues, alors que Marco, quand même, est marqué par le Chicago blues. Et quand même, questo disco ha un suono così roots. Invece tu fai il Chicago Blues, dunque non è la stessa cosa. Come mai questo suono? Ma in realtà io ho sempre suonato anche diversi generi, anche questo, solo che sai, una volta io suonavo solo l'armonica e suonavo più in stile Chicago ed è per questo che qualcuno come Bob Corritore hanno detto Marco è un ambasciatore del blues, perché facevo effettivamente più, suonavo più in quello stile, però ho sempre fatto anche altre cose e quindi anche questo fa parte di Marco Pandolfi. Oui, il dit qu'en fait l'ambassadeur du Chicago blues tel qu'on l'a surnommé, notamment Bob Corritore, c'est une étiquette qu'on lui a donnée mais qui est réductrice parce qu'il a toujours joué plein d'autres choses. Alors ça tombe bien que tu parles d'étiquette parce que sur la pochette de cet album il y a une ribambelle de bouteilles de bouteilles de vin, de bouteilles d'alcool. Le titre de l'album c'est Homemade Wine, donc je ne sais pas s'il trafique dans son coin c'est son propre vin. Fai da contrabanda. Ah non. Si, si, tra Mexico et Texas. En tout cas, il y a un autre disque, on disait tout à l'heure qu'on allait revenir rapidement sur au moins 3 disques. Le second est de 2016 et c'est un live. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le disque s'appelle Live, tout simplement. C'est le premier, il me semble. Et pourquoi Marco avait envie finalement de faire un album live? Ecco, come mai questo album live? Non era in programma, però ci hanno registrato una sera. È un disco registrato in duo con Federico Paternello alla batteria, ma non era in programma, ci hanno registrato e poi abbiamo fatto, all'inizio avevo fatto un CD demo perché stavamo andando a suonare un tour in Olanda, però poi abbiamo venduto tutti i dischi e li abbiamo ristampato come disco live. Il dice che è un album che n'était pas du tout prévu, que c'est quelqu'un qui l'a enregistré en fait, et puis ça leur a servi de CD de démo parce qu'ils partaient en tournée en Hollande, donc voilà, on n'était pas encore allé en Hollande ce soir, hein. Et en fait ce disque a eu beaucoup de succès à tel point qu'ils l'ont réédité et que voilà, ils en ont vendu énormément. Il y a un autre disque, lui est sorti en 2014 et il est complètement différent justement parce que là on parle plutôt de formule duo, de formule un petit peu acoustique intimiste. Ton album de 2014 s'appelle No Dog in This Hunt. Tu nous diras pourquoi tu as un petit problème avec les chiens. Et là, ce n'est pas un duo, mais bien au contraire, c'est une formation avec des cuivres et même un violon. Pourquoi as-tu envie en 2014 de faire un album aussi étoffé en matière de musiciens? Est-ce que tu as eu envie de reproduire ça sur scène? Non c'è una scelta, parle français couramment. Non c'è una scelta precisa, cioè non c'è un motivo preciso. In quel momento avevo scritto certe canzoni e le ho registrate. E penso che sia giusto così, indipendentemente dal genere o dallo stile. E quindi per certi pezzi ci stava bene il sassofono o il violino, perché li sentivo così, senza dover per forza rimanere dentro alcuni schemi precisi. Preferivo essere più libero. Tanto è un disco autoprodotto da me, posso fare quello che voglio. L'ultima domanda, je vais répondre, mais juste l'ultima domanda che ti ha chiesto anche, perché quel titolo? Hai un problema con i cani, con la caccia? No, è una tipica frase del sud degli Stati Uniti. La dicono i cacciatori quando tu dai la usi quando dai un tuo parere su una cosa che succede, però non sei direttamente interessato nella cosa, non hai nessun interesse, quindi dici non ho nessun cane in questa caccia. Okay. Capisco. Alors donc d'abord le big band et tout ça sur ce disque, c'est simplement parce qu'à ce moment-là, il a écrit des chansons qui dans sa tête convenaient bien à ce format-là. Et vu que c'est un disque autoproduit, il s'est dit, tiens, allez, on va mettre du sax, on va mettre des violons, etc. Parce qu'il entendait ça dans sa tête, en fait. Mais voilà, c'est tombé comme ça à ce moment-là. Et le titre, en fait, c'est une expression américaine. Quand tu dis que j'ai pas de chien dans cette chasse, c'est pour dire, voilà, je vous dis ça, je vous donne mon avis là-dessus, et je n'ai aucun intérêt sur cette question, je vous dis ça, et je suis complètement extérieur au truc, je n'ai pas de chien dans cette chasse, quoi. Voilà, c'est une expression typiquement américaine. Alors, une dernière question, Marco, parce qu'il y a un guitariste qu'on aime particulièrement bien, nous, et qui va venir d'ailleurs le 15 juin prochain lors de notre blues party pour accompagner un groupe autrichien. C'est Enrico Crivellaro. Donc il sera là le 15 juin comme le guitariste de Raphaël Frechnik, qui sera donc là. Mais je voulais savoir si tu le connaissais et si c'était une de tes références, parce que c'est un très, très, très grand guitariste. Oui. Enrico è un grandissimo amico. Abbiamo iniziato a suonare, abitiamo a 30 km di distanza, e abbiamo iniziato a suonare insieme nello stesso periodo. Siamo molto amici e anche adesso suoniamo insieme, e lui è ospite nel disco No Dog in This Hunt. C'è anche lui che suona in quel disco, quindi lo conosco molto molto bene. È uno dei più grandi chitarristi al mondo e ho la fortuna di conoscerlo e di suonarci insieme da quando eravamo... Donc Enrico Crivellaro, c'è quelqu'un qui connaît depuis qu'ils sont ado, quoi, en fait. Et donc, ils se connaissent et ils sont très amis depuis cette époque-là. Ils ont dû faire les 400 coups. Voilà, ils jouent ensemble depuis très longtemps. Ils jouent d'ailleurs sur No Dog in This Hunt. Il fait partie des musiciens. Et il dit que, à son avis, c'est un des meilleurs guitaristes du monde. C'est ce que nous avions supposé en lui demandant de venir avec Raphaël Frechnik. Et ce sera le 15 juin. On en profite d'ailleurs pour vous rappeler cet événement important. Le temps pour Marco de rejoindre la scène du Blues Café pour deux derniers titres. Il y avait des autres Italiens ici. Et oui, il y avait des autres Italiens. Il y a des amis. Veronica Spergia. Veronica et Max. Et Max De Bernardi, oui, qui seront effectivement présents, d'autres Italiens. On a reçu beaucoup de groupes italiens d'ailleurs dans à la Blues Party. On aime bien. Et on aura également un DJ Forest qui n'est pas italien, mais qui pourrait l'être, lui, parce qu'il a... Il a beaucoup joué en italien et beaucoup en Italie et beaucoup avec des musiciens italiens. Et il y a Raphaël Vresnik, Dan Taylor Watson et en tête d'affiche Gaël Buswell, qui est accompagné de Jesse Lee, Mr. Matt des Mountain Men et Ahmed Mouissi. C'est ici à l'île d'Abo le 15 juin. www.bluesactu.com. Retour ici sur la scène du Blues Café avec Marco Pandolfi. Get me wrong, baby. Please, baby, don't get me wrong. Don't get me wrong, baby. Please, baby, don't get me wrong. You told me that you love me. That didn't make me strong. I lend you $30, you give me back $29. You say you're gonna ask for it every day until you're mine. Don't get me wrong, baby. Please, baby, don't get me wrong. You told me that you love me, that didn't make me strong. She warmed me by her side. Your father's chasing me, and I'm playing dead and hide. Don't get me wrong, baby. Please, baby, don't get me wrong. You told me that you love me. That didn't make me strong. Say I'm a loser, I think I'm losing my mind. Now you put me down, but darling, my love is not so blind. Don't get me wrong, baby. Please, baby, don't get me wrong. You tell me that you love me, that didn't make me strong. merci pour la prochaine ici, je voudrais votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. C'est la Blues Café. Ça se passe comme ça, un Blues Café live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Il y avait ce soir dans le Blues Café Monsieur Marco Pandolfi. Il était accompagné de Massimo Bonotto à la basse, Federico Patamello à la batterie. Vous pouvez les applaudir très très fort. Un grand merci également à toute l'équipe technique du Millennium, Ludo et Seb, Amélie également. Merci à eux de nous accueillir ici au Millennium. Merci à François Rosanciel qui était à la captation vidéo et grâce à qui vous retrouvez sur notre chaîne YouTube de très très belles vidéos. Merci à Christian également qui était là ce soir pour assurer la traduction. On laisse sous les applaudissements diablés du public la scène à Marco Pandolfi. À bientôt, ciao ciao. Three shots in a row.